موانع إجابة الدعاء من كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. Ce qui empêche que l'invocation soit exaucée. Du livre La maladie et le remède de l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. الإمام ابن القيم رحمه الله دي et c'est ainsi que l'invocation fait partie des plus fortes causes pour repousser un mal et obtenir ce qui est demandé. Cependant, les conséquences peuvent, les conséquences, c'est-à-dire l'obtention de l'exaucement, peut différer d'un individu à un autre, soit dû à la faiblesse de l'âme du serviteur lui-même, que l'invocation qu'il dit est une invocation dont Allah n'aime pas, de ce qu'elle contient en termes d'animosité, ou bien de la faiblesse du cœur de celui qui invoque, c'est-à-dire qu'il invoque, mais il n'a pas la pleine présence du cœur, et le fait qu'il ne réunit pas en fait la présence du cœur et le fait qu'il revient vers Allah repentant et le fait qu'il insiste, qu'il réunit les différentes conditions et dans les temps propices de l'invocation, eh bien s'il ne fait pas tout ça, s'il n'a pas tout cela, eh bien il est comparable à l'arc dont la corde est détendue. La corde de l'arc qui est très détendue et que la flèche, lorsqu'on vient pour tirer avec un arc dont la corde est détendue, eh bien la flèche tombe, d'accord, ou sort très faiblement, d'accord, eh bien c'est l'image qu'il a donnée l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah avec celui dont son cœur n'est pas totalement présent, d'accord, ou bien qu'il invoque des choses dont Allah n'aime pas, de ce qu'elle contient en termes d'animosité, ou bien que son cœur n'est pas totalement présent et qu'il est en plus de cela hors des temps propices à l'invocation. Donc il n'a pas cette présence du cœur là, il n'est pas en train d'insister, il n'est pas en train de mettre en place les causes pour espérer l'exaucement. D'accord ? Et bien c'est tel que l'arc, d'accord ? Lorsqu'on vient pour mettre la flèche, eh bien, si la corde est détendue, il n'ira pas loin. D'accord ? C'est la même image. Ou bien, parmi les causes qui empêchent que l'invocation soit exaucée, l'imam al-Qayyim rahimahullah mentionne également que ça peut être dû au fait que l'individu se nourrit de l'illicite. Ou bien qu'il a couvert son cœur de péché. Ou bien qu'il est noyé dans l'insouciance, dans les passions, dans les distractions qui en fait font que l'individu se retrouve lorsqu'il invoque, eh bien que son invocation n'est pas exaucée. كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم مقينون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. Le hadith est hassan, rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: invoquez Allah en étant persuadé de l'exaucement, qu'Allah va vous répondre, en étant invoqué à Allah tout en étant persuadé qu'Allah va vous répondre. Et sachez qu'Allah n'accepte pas d'invocation d'un cœur insouciant, distrait. Ceci est un remède très bénéfique, éradiquant la maladie. Mais l'insouciance du cœur vis-à-vis d'Allah annule sa force. Et c'est ainsi que de manger de l'illicite. Le fait de manger de l'illicite annule la force du cœur et l'affaiblit. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Donc ensuite l'imam al-Qayyim rahimahullah mentionne pour étayer en fait l'argumentation dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih selon Abi Huraira, qui a dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les gens, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. » Et il a dit, Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 51 de Sourate Al-Mu'minun, « Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. » Et Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, toujours dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne les paroles d'Allah, dans la traduction du sens du verset 172 de Sourate Al-Baqarah, « Ô les croyants, ô vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna l'état de l'homme qui prolonge son voyage, la tête ébouriffée et recouverte de poussière, qui tend ses mains, qui lève ses mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» alors que sa nourriture est illicite. Sa boisson est illicite. Sa nourriture, ce de quoi il s'est nourri, provient de l'illicite. Sa boisson provient de l'illicite. Ses vêtements sont illicites. Il ne s'est nourri que de l'illicite, comment donc ses invocations pourraient-elles être exaucées? Il mentionne également l'imam al-Qayyim rahimahullah ce qu'a dit Abu Dharr, yakfi min ad-du'a ma'a al-birr ma yakfi at-ta'am min al-malh. Abu Dharr a dit, est suffisant pour l'invocation ce qu'il faut en termes de bonté et de piété, ce qui est suffisant pour la nourriture en termes de sel.